Chapitre 19. Prévenu bavard, cause bien instruite, dit un vieux proverbe du palais. C'est qu'il semble impossible, en effet, qu'un coupable, épié par le juge, puisse parler beaucoup sans que sa langue trahisse son intention ou sa pensée, sans qu'il s'évapore quelque chose du secret qu'il prétend garder. Les plus simples parmi les prévenus ont compris cela. Ainsi, obligés à une prodigieuse contention d'esprit, sont-ils généralement plus que réservés. Enfermés dans leur système de défense, comme une tortue dans sa carapace, ils n'en sortent que le moins possible, et avec la plus ombrageuse circonspection. À l'interrogatoire, ils répondent, il le faut bien. Mais c'est comme à regret, brièvement. Ils sont avares de détails. Ici, l'accusé était prodigue de paroles. Ah! Il n'avait pas l'air de craindre de se couper. Il n'hésitait pas, à l'exemple de ceux qui tremblent de disloquer d'un mot le roman qu'il s'efforce de substituer à la vérité. En d'autres circonstances, c'eût été une présomption en sa faveur. « Expliquez-vous donc, » répondit M. Segmuller à la requête indirecte de son prévenu. Le meurtrier ne dissimula pas adroitement la joie que lui causait la liberté qui lui était accordée. L'éclat de ses yeux, le gonflement de ses narines, révélèrent une satisfaction pareille à celle du chanteur de romance qu'on traîne au piano. Il se campa, la tête en arrière, en beau parleur, sûr de ses moyens et de ses effets, promena sa langue sur ses lèvres pour les humecter, et dit « Comme cela, c'est mon histoire que vous me demandez ?»« Oui. » »« Pour lors, monsieur le juge, vous saurez qu'un beau jour, il y a de cela 45 ans, le père Tringlot, directeur d'une troupe pour la souplesse, la force et la dislocation, s'en allait de Guingamp à Saint-Brieuc par la grande route. Naturellement, il voyageait dans ses deux grandes voitures avec son épouse, son matériel et ses artistes. Très bien. Mais voilà que peu après avoir dépassé un gros bourg nommé Château-Laudrin, regardant de droite et de gauche, il aperçoit, sur le revers d'un fossé, quelque chose de blanc qui grouillait. « Faut que je voie ce que c'est, » dit-il à son épouse. Il arrête, descend, va au fossé, prend la chose et pousse un cri. « Vous me demanderez, qu'a-t-il donc trouvé cet homme ?»« Oh mon Dieu, c'est bien simple. Il venait de trouver votre serviteur, alors âgé d'environ 10 mois. » Il salua à la ronde sur ces derniers mots. « Naturellement, » reprit-il, « le père Tringlot me porte à son épouse, une bien brave femme tout de même. Elle me prend, m'examine, me tâte et dit « Il est fort, ce môme, et bien venant. Il faut le garder puisque sa mère a eu l'abomination de l'abandonner. Je lui donnerai des leçons, et dans 5 ou 6 ans, il nous fera honneur. » Là-dessus, on commence à me chercher un nom. On était au premier jour du mois de mai. Il fut décidé que je m'appellerais Mai, et Mai, je suis depuis ce jour-là, sans prénom. Il s'interrompit, et son regard s'arrêta successivement sur ses 3 auditeurs, comme s'il eût quêté une approbation. L'approbation ne venant pas, il poursuivit. C'était un homme simple, le père Tringlot, et ignorant les lois. Il ne déclara pas sa trouvaille à l'autorité. De sorte, je vivais, mais je n'existais pas, puisqu'il faut être inscrit sur un registre de mairie pour exister. Tant que j'ai été moutard, je ne me suis pas inquiété de cela. Plus tard, quand j'ai été sur mes 16 ans, quand je venais à penser à la négligence du bonhomme, je m'en réjouissais au-dedans de moi-même. Je me disais « Mais, mon gars, tu n'es couché sur aucun registre du gouvernement, donc tu ne tireras pas au sort, par conséquent tu ne partiras pas soldat. » Ce n'était pas du tout dans mon idée d'être soldat. Je ne me serais pas fait inscrire pour un boulet de canon. Bien plus tard encore, l'âge de la circonscription passé, un homme de loi m'a dit que si je réclamais pour avoir un état civil, on me ferait de la peine. Alors je me suis décidé à exister en contrebande. De n'être personne, ça a ses bons et ses mauvais côtés. Je n'ai pas servi, c'est vrai, mais je n'ai jamais eu de papier. Ah, ça m'a fait manger de la prison plus souvent qu'à mon tour. Mais comme, en définitive, je n'ai jamais été fautif, je m'en suis toujours tiré. Voilà pourquoi je n'ai pas de prénom, et comment je ne sais pas au juste où je suis né. si la vérité a un accent particulier, ainsi que l'ont écrit des moralistes, le meurtrier avait trouvé cet accent-là. Voix, gestes, regards, expressions, tout était d'accord. Pas un mot de sa longue narration n'avait détonné. « Maintenant, dit froidement M. Segmuller, quels sont vos moyens d'existence ?» À la mine déconfite du meurtrier, on eût juré qu'il avait compté que son éloquence allait lui ouvrir les portes de la prison. « J'ai un état, répondit-il piteusement, celui que m'a montré la mère Tringlot. J'en vis et j'en ai vécu en France et dans d'autres contrées. » Le juge pensa trouver là un défaut de cuirasse. « Vous avez habité à l'étranger ? Demanda-t-il. « Un peu. Voilà 16 ans que je travaille, tantôt en Allemagne, tantôt en Angleterre, avec la troupe de M. Simpson. » « Ainsi vous êtes saltimbanque. Comment, avec un tel métier, vos mains sont-elles si blanches et si soignées ?» Loin de paraître embarrassé, le prévenu étala ses mains et les examina avec une visible complaisance. « C'est vrai, au moins, fit-il, qu'elles sont jolies. C'est que je les soigne. On vous entretient donc à ne rien faire ?»« Ah, mais non. Seulement, monsieur le juge, je suis, moi, pour aller au public, pour tourner le compliment, pour faire le boniment, comme on dit. Et sans me flatter, j'ai une certaine capacité. » Monsieur Segmuller se caressait le menton, ce qui est son tic lorsqu'il suppose qu'un prévenu s'en fait. « En ce cas, dit-il, veuillez me donner un échantillon de votre talent. »« Oh !» fit l'homme semblant croire à une plaisanterie. « Oh !»« Obéissez, je vous prie, » insista le juge. Le meurtrier ne se défendit plus. À la seconde même, sa mobile physionomie prit une expression toute nouvelle, mélange singulier de bêtise, d'impudence et d'ironie. En guise de baguette, il prit une règle sur le bureau du juge, et d'une voix fausse et stridente, avec des intonations bouffonnes, il commença. « Silence ! La musique ! Et toi, la grosse caisse, la paix ! Voici, mesdames et messieurs, l'heure, l'instant et le moment de la grande et unique représentation du Théâtre des Prestiges, sans pareil au monde pour le trapèze et la danse de cordes, les élévations et les dislocations et autres exercices de grâce, de souplesse et de force, avec le concours d'artistes de la capitale ayant eu l'honneur. « Il suffit !» interrompit le juge. « Vous débitiez cela en France, mais en Allemagne. » « Naturellement, je parle la langue du pays. »« Voyons, » commanda M. Segmuller, dont l'allemand était la langue maternelle. Le prévenu quitta son air niais, se grima d'une importance comique, et sans l'ombre d'une hésitation, il reprit du ton le plus emphatique. Une note traduite ici en français. « Avec la permission de l'autorité locale, sera représentée devant l'honorable bourgeoisie, pour la première fois, Geneviève ou la... »« Assez !» dit durement le juge. Il se leva, peut-être pour cacher sa déception, et ajouta. « On va aller chercher un interprète, qui nous dira si vous vous exprimez aussi facilement en anglais. » Le coq, sur ces mots, s'avança modestement. « Je parle l'anglais, dit-il. Alors très bien. Vous m'avez entendu, prévenu. » Déjà l'homme s'était une fois encore transformé. Le flegme et la gravité britannique se peignaient sur son visage. Ses gestes étaient devenus roides et compassés. C'est du ton le plus sérieux qu'il dit. Une note nous donne ici la traduction. « Mesdames et messieurs, longue vie à notre reine et à l'honorable maire de cette ville. Aucune contrée, l'Angleterre exceptée, notre glorieuse Angleterre, ne saurait produire une chose aussi étrange, un pareil exemple de curiosité. » Pendant une minute encore, il parla sans interruption. M. Segmuller s'était accoudé à son bureau, le front entre ses mains. Le coq dissimulait mal sa stupeur. Seul Goguet et le souriant greffier s'amusaient.